Bon mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de l'Aérospatiale. Raymond Poirier au micro, en remplacement de Julie Gagné, qui ne pouvait pas être physiquement avec nous cette semaine, qui nous rejoindra, cela dit, en cours d'émission, puisqu'elle a été visitée pour vous, l'exposition touchée sur image Vibratio à la Galerie des Arts Visuels, donc une exposition de Nicole Jolicoeur. Donc, elle sera de passage en cours d'émission pour nous offrir un petit retour sur cette exposition-là. Également, deuxième retour qui nous sera offert pour cette semaine, ce sera Fanny Hénon-Lévy qui sera de passage en deuxième moitié pour nous parler de l'exposition de Marlène Renaud Rock, donc qui est présentée à Engram jusqu'au 7 juin prochain. Également, on va dans l'événementiel et dans quelque chose qui est assez rapproché de nous, puisqu'il y aura Marie Gilbert, l'une des organisatrices du Salon Nouveau Genre, qui viendra nous parler de la 12e édition de l'événement qui sera présenté ce samedi et ce dimanche à l'église Saint-Jean-Baptiste. L'événement qui est quand même assez prisé pour ceux qui ont envie justement d'aller explorer l'univers des arts visuels, de la mode, des métiers d'art, du design, de la micro-édition et de la musique à travers la production, tout particulièrement justement de la scène émergente. Alors ça, c'est le menu un peu de l'émission de cette semaine, et tout ça ponctué, comme à l'habitude, de quelques pauses à caractère audio, des pauses qui nous sont sélectionnées par Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Et cette semaine, Simon, c'est Gurdornak. Oui, c'est le pseudonyme de Robert Nunnally. C'est un artiste qui nous vient du Texas. Il est également avocat. Je crois que ça ne doit pas arriver souvent, les compositeurs qui sont également avocats. Oui, effectivement. On imagine, en fait, pour décanter après la cour, OK, il fait de l'exploration audio. Oui, ben c'est ça. Je vous présente des pièces tirées de son album Constellation Blackbird. Lui, il réfère ça comme étant du weird ambient, donc musique ambiante un peu étrange. Ça sonne un peu, donc, c'est des fréquences dissonantes, des sons naïfs, mélodies glitchées. C'est publié sur l'étiquette écossaise We Are All Ghosts. Donc, j'invite les auditeurs à le télécharger gratuitement en se rendant sur le blog de l'aérospatiale. Et Simon, j'imagine, en fait, on parle de musique ambiante, mais avec des dissonances. Habituellement, les côtés ambiants, c'est propice un peu à une certaine méditation. J'imagine que les dissonances viennent un peu briser ou casser un peu cette ambiance-là. Il y a une espèce de jeu qui doit se faire au fil des pièces. Oui, c'est ça, exactement. C'est au lieu d'être monotone, c'est assez varié, c'est trame sonore assez surprenante. Et qu'est-ce qui t'avait accroché particulièrement, toi, là-dessus? En fait, j'imagine, au fil de tes explorations, t'en trouves quand même pas mal. Est-ce que c'est cet aspect-là, justement, qui t'avait happé particulièrement? Oui, c'est ça. Ça s'écoute vraiment bien. C'est du bonbon pour les oreilles. On pourrait croire que ça détruit les oreilles, mais non, ça s'écoute très bien. Une bonne musique électronique expérimentale. Eh bien, on va en écouter immédiatement un premier extrait. Rappelons aux gens, évidemment, que tu es en onde ici à CKRL les dimanches à 19h pour Web Musique. Simon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on écoute un premier extrait, donc, de Gurdornak. Voilà un petit extrait de cette pièce qui s'appelle Constellation Blackbird. Dans l'actualité, cette semaine, mais quelques nouvelles, notamment, je ne sais pas si vous avez vu passer du côté du journal Le Soleil, on fait un petit bilan de l'art public à Québec en disant qu'il a pris son envol, qu'il a explosé. On se rappelle qu'il y a de ça quelques mois, l'administration Labo, quelques années, en fait, avait noté, souhaité ajouter d'ici 2020 quelques 35 œuvres financées en tout ou en partie par des fonds municipaux. Et finalement, l'objectif, il est atteint. Donc, il a été été atteint essentiellement en 2 ans. Évidemment, la ville se félicite de cet accomplissement en soulignant qu'il y avait quand même du rattrapage à faire à travers tout ça, donc c'était pas un luxe. Et ce qu'on assure, eh bien, c'est que les investissements ne cesseront pas parce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était donné, simplement que peut-être qu'on ira avec un rythme un peu plus tranquille. Ce sera pas nécessairement justement un rythme aussi effréné là, d'ici 2020, mais ça se poursuivra tout de même. Là. Alors, on rappelle que l'administration municipale souhaitait faire passer de 125 à 160 le nombre d'œuvres d'art de propriété municipale un peu partout dans les arrondissements. C'est une hausse de 28%. Et Le Soleil a obtenu une compilation qui montre que depuis 22 œuvres qui ont été ou qui vont être installées en 2015, il y a 4 concours d'artistes qui vont être lancés sous peu, 8 autres qui sont prévus pour 2016 et 2017. Donc, on parle de 34 sculptures murales, œuvres numériques ou installations qui vont amener, entre guillemets, du beau devant les immeubles, les parcs, les places publiques, et ça, pas seulement dans le Vieux-Québec. Alors, ben voilà de quelle manière on a réussi justement à amener l'objectif. En parallèle, il y aura aussi, outre les nouvelles œuvres, publication, selon toute vraisemblance, en juin, d'une mise à jour du document L'Art public à Québec qui compile et présente les œuvres dans la capitale. L'an dernier, pour ceux qui l'avaient parcouru, c'était pas dans l'ensemble des arrondissements, malheureusement. On espère que, justement, la mise à jour permettra d'aller explorer l'art qui est en dehors de des secteurs qui avaient été inventoriés. Et évidemment, il y a aussi le retour, entre autres, des passages insolites dans le Vieux-Port qui va venir ajouter à la présence de l'art public dans la ville de Québec. Outre cette nouvelle, deux petites mentions côté récompense. Il y a les prix Snyder 2015, donc des prix de photographie contemporaine qui ont été annoncés. Et je voulais souligner parce que, bon, le prix a été remis à Trent Davis Bailey, un artiste américain, mais un artiste de Québec également, Rachel Bussière, qui a obtenu une mention honorable pour ce concours. Alors, Rachel Bussière, qui est une artiste de Québec qui a travaillé en art ainsi qu'en anthropologie, c'est ses domaines d'études. Et elle dit, en termes de démarche, justement, ben, qu'elle explore à travers le métissage entre les deux médiums, d'une certaine façon, là, au niveau de la notion de trace, la notion de mémoire, la notion d'exploration de la nature et le reste, donc autour de son travail. Alors, ben voilà, félicitations à elle. Et sinon, autre prix photographique, c'est les AMIA AGO Photography Prize. Donc, la liste longue de 27 artistes d'un peu partout à travers le monde a été annoncée. On parle d'une bourse de 50 000 $ qui est associée à ce concours. Il y a quelques Canadiens qui s'y sont qualifiés, notamment, en fait, des noms qui nous sont peut-être un peu moins familiers, qui nous viennent du Canada anglais. Scott Canaro, Barry Dupe, également Matt Gorzen. Des noms qu'on connaît aussi de Québec, comme Graham Patterson. Il y a également Celia Perrin Sidarus, qui est en nomination, David L. Petras également. Donc, c'est la sélection canadienne à ce concours. On met ça de notre côté dans une pile de dossiers à suivre. On fait le saut vers Montréal. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a été, selon les calculs, le musée le plus fréquenté au Canada, le musée d'art évidemment le plus fréquenté au Canada en 2014. C'est la deuxième année consécutive qu'il obtient cet honneur selon le classement annuel du mensuel britannique The Art Newspaper. On parle donc de plus de 1 million de visiteurs. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui devance le Royal Ontario Museum et l'Art Gallery of Ontario. Donc dans le monde de l'institution montréalaise, elle occupe la 58e position. En Amérique du Nord, la 12e place quand même du classement des musées les plus fréquentés. Donc un nombre record évidemment qui se poursuit du côté du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et évidemment, on fait mention dans le notule via la presse qu'il y a des coupures. Alors la question, ce sera de voir, ben, avec justement les coupures qui s'en viennent, est-ce que le musée sera en mesure de garder ce niveau de performance-là? Alors ben, l'avenir nous le dira. Si on reste du côté de Montréal, eh bien, à 20 semaines de son ouverture, le mois de la photo à Montréal a dévoilé aujourd'hui, en fait, une bonne part de sa programmation pour sa 14e édition, une édition portée par le thème « La condition post-photographique ». Alors, l'événement qui s'affiche désormais aussi comme la Biennale internationale de l'image contemporaine fait essentiellement peau neuve, nouvelle direction, présence renouvelée un peu partout à travers la ville. Et on parle donc d'artistes d'un peu partout à travers le monde là, qui seront présents. Donc, c'est une sélection qui a été faite par le Catalan Joan Fontecuberta, artiste et théoricien engagé envers la photographie depuis déjà un bout de temps. Il a sélectionné, lui, 29 artistes de 11 pays, dont évidemment 7 Québécois qui seront également sur place à cette occasion. Alors, ben, en fait, si on veut avoir un peu plus d'informations sur la programmation, on peut aller faire un tour sur le site du Devoir. Évidemment, les articles dont je vous ai parlé, ceux dont je vais vous parler et celui-là sont aussi relayés sur la page Facebook de l'émission, donc facebook.com/l'aérospatiale. Et ben, en terminant, au fil des semaines, on vous a parlé assez régulièrement de la foire Papier 15 et des événements autour de ça. Alors, on s'était dit, on va revenir pour terminer un peu le dossier, à savoir, ben, est-ce que ça a bien marché d'un côté Papier 15, de l'autre côté la foire Art contemporain pour tous, est-ce que ça a aussi bien roulé? Alors, ben, du côté de Papier 15, l'Association des galeries d'art contemporain a dressé un bilan exceptionnel de leur foire. Ils ont attiré près de 17 000 visiteurs, un public composé de curieux, d'amateurs d'art et de collectionneurs avertis à fin avril du côté du complexe de Gaspé à Montréal. Alors, un vaste espace industriel qui d'ailleurs selon certaines critiques, notamment je me réfère à Canadian Art, a été quand même assez apprécié là, dans la mise en espace, qui permettait notamment un contact un peu plus favorable, un peu privilégié, un peu plus privé aussi avec les œuvres d'art. Alors ça, c'est quand même intéressant. Évidemment, des événements comme ça, ça vise aussi à vendre de l'art. Et ce qu'on dit, c'est qu'on a totalisé des ventes d'environ 900 000 $. Donc les galeries participantes, comparativement à l'édition 2014, ont vu leurs ventes croître en moyenne de 21%. Alors une hausse qui, selon l'association, témoigne avec éloquence de l'importance de la foire comme moteur du marché de l'art canadien. Alors, de l'autre côté, il y a l'événement aussi Foire Art Contemporain pour tous. On se rappelle, il y avait eu un schisme entre les deux événements dans le contexte du choix de l'espace. On estimait que le quartier Mile End était peut-être un peu trop éloigné des quartiers centraux, du quartier, entre guillemets, des galeries du côté de Montréal. Alors, il y avait des galeries privées qui avaient choisi de faire une foire de ce côté, en disant également qu'ils voulaient explorer d'autres médiums que simplement le papier. Alors que, ben, évidemment, Papier 15, ben, c'est une foire papier. On s'entend, le nom est là pour ça. Alors, eux, donc, ont décidé d'organiser leur événement satellite, si on peut dire, ou presque. Eh bien, donc, en ouvrant aux peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, verriers, graffiteurs et autres. Et on parle d'une première qui aurait accueilli à peu près 3000 curieux initiés de l'art contemporain tout au long de la fin de semaine. Et l'équipe, devant ce qu'elle qualifie de succès, ben, envisage, évidemment, avec, dit-on, enthousiasme, de faire suite à l'événement l'année prochaine. Alors voilà pour la revue de presse de cette semaine et on retourne maintenant en musique avec donc Gurda Narc avec un autre extrait donc qui s'appelle Tox. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine dédié à l'univers des arts visuels. Raymond Poirier avec vous au micro en remplacement de Julie Gagné cette semaine. Alors, elle sera de retour évidemment avec vous la semaine prochaine. Mais d'ici à la semaine prochaine, ben, il y a une petite pause qu'il faut faire au fil du week-end. Donc les 9 et 10 mai, du côté de l'église Saint-Jean-Baptiste, il y a la 12e édition du Salon Nouveau Genre. Donc véritablement notre tradition biannuelle à Québec pour plonger dans l'univers de pratiques émergentes dans différents domaines artistiques. Et pour nous en parler, parler, pour nous présenter un peu cette 12e édition. On est en compagnie de l'une des membres du comité de programmation, on peut dire ça comme ça. Marie Gilbert, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et j'imagine de votre côté, dernier sprint et dernier à bien des égards, puisque c'est, je crois, la dernière fois que vous allez le présenter dans le sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. C'est pas la dernière fois que le Salon Nouveau Genre va avoir lieu, mais c'est la dernière fois à cet endroit-là, et ça nous rend bien tristes. Mais on est en recherche d'un nouveau local. Donc oui, on est dans les grands préparatifs avec un brin de nostalgie. Oui, parce qu'en même temps, c'est un événement qui s'est beaucoup déplacé au fil des éditions et qui a fini par trouver un peu son air d'aller aussi. Puis c'est une question beaucoup aussi d'espace, autant pour les visiteurs, autant de contacts d'espace pour les artistes aussi, parce que c'est une grosse fin de semaine de partage, au bout du compte, le Salon Nouveau Genre. Oui, c'est vraiment un endroit où c'est amical, on fait des rencontres, c'est dans le partage, comme tu l'as dit, dans la découverte aussi. Là, il y a beaucoup de plaisir. Et ce qui est intéressant à l'église, c'est que c'est aussi facile, c'est très facile pour les piétons, très facile aussi en voiture, c'est vraiment en plein cœur du centre-ville. Donc, c'est un endroit vraiment parfait pour avoir un salon d'artisans comme celui-là. Et justement, j'imagine, si on en est à la 12e édition, et je pense que les auditeurs commencent bien à connaître ce salon-là, c'est qu'à un moment donné, il y avait un manque. Le Salon Nouveau Genre est venu un peu le combler d'une certaine façon. Donc, il n'y avait pas de salon d'art de ce type. Il y avait des salons d'artisans, mais il n'y avait pas des salons d'art visuel, d'édition, de métissage, un peu de pratiques émergentes. Oui, c'est ça. La spécialité du Salon Nouveau Genre, c'est que ça réunit autant des auteurs, des musiciens, des designers de mode, des céramistes, des joailliers, des ébénistes, des illustrateurs. Donc, c'est vraiment varié. Et en grande majorité, c'est des gens de la relève, donc des créateurs de la relève qui débutent et qui ont du mal un peu à se faire une place dans les différents marchés. Mais pourtant, qui font des produits vraiment ingénieux, de qualité. Donc, c'est vraiment pour venir faire des découvertes que ça vaut la peine d'être présent en fin de semaine. Oui, c'est un peu en fait une volonté de dire, pour les artistes, de se donner une vitrine, d'une certaine façon, oui. de se donner les moyens aussi d'avoir une vitrine. Oui, c'est vraiment une plateforme de diffusion pour les gens de Québec, mais aussi des régions et de Montréal, pour montrer leur création au public. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'au fil des années, il y en a de plus en plus qui font la route de Montréal vers Québec pour le salon. Preuve, j'imagine, aussi du succès grandissant de l'événement. Oui, ils sont quelques-uns, puis ils sont toujours très satisfaits de l'ambiance festive, puis d'une très large clientèle. Il y a beaucoup de personnes qui viennent voir, donc c'est vraiment, on fait des ventes, on fait des rencontres, il y a beaucoup d'échanges, c'est très fun. Et souvent, en fait, si on regarde un peu les calendriers, exemple de la métropole où on parlait de salon de métiers d'art ici, donc c'est des pratiques, justement, c'est un peu monopratique, exposine, qui est que le fanzine principalement, des événements comme ça. Qu'est-ce qu'on gagne, justement, à métisser le plus possible les pratiques ou à éclater le plus possible, dans le fond, les pratiques dans un événement comme ça? Bien, il y a plusieurs choses. Pour les artisans, c'est très nourrissant d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, de se laisser imprégner, même de faire des collaborations. Si on prend quelqu'un qui fait de la musique, il peut avoir des illustrateurs pour son prochain album, etc. Là, donc, il y a des rencontres à faire. Et pour le public, c'est le fun aussi, dans le fond. Les gens qui s'intéressent à la musique vont être présents, mais vont peut-être découvrir un illustrateur en fin de compte. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas de mauvais point là, pour ça. Ça peut être que positif. Oui, à la limite, en fait, on ne cherche pas une unité de ton, on ne cherche pas une unité de pratique, mais d'un autre côté, il y a quand même un souci d'essayer de faire neuf qui ressort, j'ai l'impression, de cet événement-là. Au fur et à chaque année que j'y vais, toujours l'impression qu'on n'essaie pas d'asseoir justement sur les médiums, sur les pratiques, mais plus d'essayer de pousser, en fait, j'imagine, dans l'objectif aussi de faire connaître nos pratiques, de développer. On veut s'imposer, on veut faire sa place, on veut pas faire comme les autres aussi. Ce défi-là de renouvellement. Oui, puis comme c'est axé sur la relève, c'est sûr qu'il y a toujours des idées neuves, des gens qui viennent tester des produits. Donc, c'est sûr que quand on paye 800 $ pour participer au Salon des métiers d'art, des plus gros salons, là, on veut pas tester un produit, on veut être certain de ce qu'on présente. Quand on participe au Salon Nouveau Genre, on peut arriver avec un peu plus d'audace, un peu plus de nouveauté, puis faire des test, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas de qualité, mais ça amène, c'est certain, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'ingéniosité. Là. Oui, une façon de tester la mise en marché, de tester la pertinence d'un produit ou la réception qu'un produit va avoir, oui. En étant parfois surpris, parfois moins, mais c'est un peu le jeu, d'une certaine façon. Oui, puis pour les personnes qui viennent voir, ce qui est intéressant, c'est que c'est le créateur qui vend ses produits. Donc, on peut avoir un échange direct avec la personne. On peut donner ses commentaires, on peut donner des idées, puis ça a tout de suite une répercussion, puis un accueil. Donc, c'est vraiment intéressant. Et j'imagine que dans ce contexte-là, exemple, Marie Gilbert, de votre côté, vous faites notamment de la reliure, vous faites du fanzine. Il y a encore là, c'est la reliure, ça peut être quelque chose de très traditionnel, ça peut être quelque chose de très éclaté aussi. C'est un art qui est pas aussi présent qu'on voudrait dans l'univers du livre-objet, notamment, ou de l'objet, mais qui reste quand même très apprécié, très présent aussi, somme toute. Là. Oui, bien, le livre, c'est un bel objet. C'est un objet qu'on a toujours dans notre quotidien, même si on est très axé vers le numérique, là, mais ça reste que le livre a encore sa place. Moi, comme je suis aussi artiste en art visuel, ben je fais de la sérigraphie, donc ça m'amène... Le livre est un bel objet pour présenter de la sérigraphie, peu importe si c'est sur la couverture ou à l'intérieur, si... Tu sais, c'est une plateforme de diffusion, un livre. Donc, c'est pour ça que je m'adonne à la reliure. Je fais de fanzine, tout ça. Puis ça permet justement de pousser, comme on le disait, l'aspect objet de la chose. Donc, de pas nécessairement rester ancré sur le côté narratif, mais vraiment d'éclater le côté visuel, le côté esthétique de l'objet livre. Oui, puis de sortir l'œuvre d'art du mur, de vraiment le dire, bien, vous pouvez y toucher, vous pouvez la manipuler, vous pouvez même écrire dedans, compléter mon texte ou rayer des bouts, si vous voulez. Et vous, ça fait quand même quelques années que vous participez évidemment au salon. Oui, depuis le début. Donc, vous l'avez vu grandir. Oui. Là. Parce qu'au début, c'était quand même tout petit, c'était au cercle. Tranquillement, c'est venu, ça a éclaté. Je pense qu'en termes de visiteurs, il y a des années, vous avez connu des années records ces dernières années. Là. C'est... Oui, je pense que c'est 4 000 ou 5 000 personnes par fin de semaine. Là. Donc, c'est quand même... il y a des moments où on ne peut presque pas circuler, là, tellement il y a du monde. Ce qui est très bien, évidemment. Là. Ça veut dire qu'à un moment donné, on réussit à faire un branding avec la notion de nouveau genre. Et c'est au bénéfice, évidemment, des artistes. Là. Oui. Et il y a plusieurs habitués, justement, qui reviennent aussi au fil des éditions. À chaque année, il y a des nouveaux noms qui se rajoutent. Vous avez à peu près combien d'appels? Parce qu'il y a quoi, au-dessus d'une centaine d'artistes qui participent, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a un manque d'espace pour faire une sélection aussi. Oui, c'est sûr que malheureusement, il faut faire une sélection. Il y a peut-être 200 dossiers envoyés, 200-250, ça dépend des années. Puis on choisit plus de 120 personnes. Donc, pour arriver à donner une place au plus de monde possible, il n'y a pas les mêmes exposants le samedi et le dimanche. Donc, j'invite les gens à venir les deux jours. Il va y avoir une différence dans les créateurs, ce ne sera pas les mêmes. Et vous pouvez voir qui est présent sur le site internet au www.nouveaugenre.com pour aller voir qui est présent le samedi ou le dimanche. Donc, ça permet de donner une place à un peu plus de monde parce que la demande est grandissante. Exactement. On reconnaît la valeur de la vitrine. On veut y être. Il faut y être à un moment donné aussi. J'imagine que dans certains cas, c'est peut-être le vôtre aussi. Il y a des artistes qui font une production exclusivement pour le salon qui disent, bon, OK, c'est en mai, c'est en décembre. Ben, on prépare pour mai puis pour décembre la production parce que c'est là qu'on va être en mesure de la vendre, de l'écouler, de la faire découvrir. Oui, puis pour certains, c'est même une motivation de dire qu'est-ce que je prépare cette année pour le salon, qu'est-ce que je prépare pour Noël, pour le salon d'avant Noël ou là pour le printemps. Dans mon cas, je fais cette fois-ci des carnets reliés avec une couverture en sérigraphie, avec mes anciennes sérigraphies. Je les récupère, je fais des carnets avec. Donc, mais ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que la plupart, c'est une source de motivation, le salon. Et pour le public, en fait, dans lequel je m'inclus, il y a une notion, j'ai l'impression, d'accessibilité aussi à l'art à travers tout ça, dans la mesure où on offre une production qui est à prix abordable, donc qui peut permettre à des gens, parfois, quand on parle justement d'illustration, quand on parle d'artisans, quand on parle de sérigraphie, ben, de pouvoir peut-être faire, dans certains cas, une première acquisition, une première série d'acquisitions d'œuvres d'art, d'amorcer peut-être justement une démarche de découverte de collection et autres, au bout du compte. Là. Oui, puis c'est vrai que les prix sont plus abordables. C'est vraiment varié, les prix au Salon Nouveau-Genre. Puis ça peut être autant à 5 $ qu'à 400 $, pour tous les prix, pour tous les portefeuilles. Puis dans tous les cas, les artisans ont des différentes gammes aussi. Là, donc, c'est vraiment intéressant de faire des découvertes d'un premier bijou d'un designer, une première pièce de vêtement d'un designer de mode. Ça peut être toujours la porte d'entrée. Et au niveau des arts visuels, évidemment, l'aérospatiale, émission dédiée à cet univers-là, mais si on l'orne un peu de ce côté-là, on est plutôt dans le fanzine d'art, dans l'illustration, là, principalement. Oui, sont très nombreux les illustrateurs. Il y en a certains qui sont aussi artistes dans la vie, donc ils ont le double rôle. Mais au salon, comme on veut faire un produit qui est facilement achetable, on va y aller avec les illustrations souvent. Donc, voulez-vous que j'en nomme quelques-uns? Oui, mais je pense qu'on peut y aller avec quelques exemples. Donc, il y a Charles-Étienne Brochu, qui est un artiste de Québec, mais qui fait aussi qui fait entre autres des illustrations. Oui, puis qui a un style déjà assez reconnaissable alors qu'il est en début de carrière. Oui, là, vraiment, c'est très marqué, son style très coloré, très éclaté, très proche du collage aussi dans ce qu'il fait. Donc, lui est présent, il va vendre des illustrations de différents formats. Il y a Claudia Tremblay. Elle donne dans le fanzine un peu plus. Oui, fanzine, sérigraphie. Tu es aussi une artiste, là, membre d'Engram, tout ça. Donc, Claudia va présenter un fanzine. Puis ça s'appelle, je pense, Cake and Snake. C'est inspiré du désert. Donc, c'est toujours un peu avec l'univers de la féminité qui est exploré en sous-jacent. Oui, ouais. Puis c'est quand même éclaté, elle aussi, son travail, très coloré. Donc j'ai hâte de voir, je ne connais pas ce dernier fanzine-là. Ensuite de ça, Sylvie Cochon, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une artiste céramiste. Donc elle présente un bestiaire d'animaux. Un bestiaire en céramique. Donc c'est des petites sculptures d'animaux, mais c'est très vivant. On dirait vraiment ils prennent vie devant nos yeux. Puis dans un style quand même très naïf, mais c'est quand même, moi, pour moi, c'est Sylvie Cochon, c'est une découverte de l'année passée, mais elle va être là encore cette année. Il y a bien sûr Pierre Girard ou l'illustrateur Pierre. Donc, on voit son travail un peu partout dans les vitrines ces temps-ci, notamment oui. Dans Saint-Jean-Baptiste. Là. Oui, dans Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste. Donc, lui a fait plusieurs livres aussi, illustré plusieurs livres. Il va être là avec des illustrations sous forme de cartes ou des petites illustrations de différents formats. Mathilde Cinq-Mars, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est là non plus, il y en a quelques-uns justement où je tombe dans le registre. On y va pour découvrir. Mathilde, c'est vraiment un petit bijou d'illustratrice. Elle fait des illustrations magnifiques avec de l'aquarelle et du graphite mélangé. C'est des univers vraiment poétiques avec des personnages, de la nature. Elle a gagné la bourse du salon, la bourse Keto, qui est remise au Salon Nouveau Genre. Elle a gagné il y a 2 ans, je crois. Depuis, elle a vraiment, sa carrière a vraiment pris son envol. C'est vraiment quelqu'un à venir découvrir. Ses illustrations sont très, très belles. Donc, ça montre, en fait, c'est, ne serait-ce qu'au niveau visuel, c'est très éclaté, évidemment, ce qu'elles ajoutent dans un éclatement tout aussi large à travers tout ça. J'imagine qu'à travers ça, il y a aussi, on parlait de croissance, on se disait que c'était la dernière année justement au sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'à la limite, dans la recherche d'espace, on se dit, OK, il va falloir faire plus grand? Si on est rendu à 4000, 5000 personnes pendant le week-end, on n'est pas loin de passer la barre d'un événement un peu plus massif, là. Oui, la grande question, c'est à quel endroit faire ça pour que ce soit au centre-ville. On aimerait vraiment demeurer au centre-ville, avoir un accès pour les piétons qui est facile. Donc, là, en attendant de pouvoir aller à l'amphithéâtre, évidemment. Oui, donc c'est la grande question. Il y a surtout des locaux plus petits, là, puis plus grands. Souvent, c'est à excentrer un peu, donc on est en recherche. C'est vraiment un défi à travers tout ça. Puis j'imagine en fait l'occasion justement de réfléchir à quel type d'organisme, quel type d'événement on veut construire, on veut bâtir, comment le développer, sachant que justement la demande est là. Et j'imagine que pour une artiste et pour les artistes qui participent, ça doit être extrêmement satisfaisant de voir qu'il y a autant de demandes et de voir aussi qu'à travers l'initiative du salon, mais il y a eu par la suite plein d'autres petites initiatives, des marchés de Noël, des foires, dans différents domaines qui exploitent aussi ce contact direct-là, qui sont venus s'ajouter à l'offre déjà qui était fort peu présente il y a quoi, à peu près 6 ans quand vous avez commencé? Mais je pense que le public est vraiment satisfait de faire des rencontres directes avec les créateurs, de poser des questions, de découvrir les produits en même temps. Je pense que ça répond à un besoin aussi de savoir qu'est-ce qui se fait localement, à Québec ou à Montréal. Qu'est-ce que je peux acheter qui n'est pas nécessairement fait en Chine ou qui est fait ici, que je peux encourager quelqu'un, un créateur de ma ville. Donc, moi, je trouve ça très intéressant de découvrir ces gens-là qui travaillent des fois juste à côté de chez nous ou dans notre quartier, mais qu'on n'a pas accès, on ne sait pas exactement, parce qu'Internet, c'est trop vaste pour... trouver tout ça. Exactement, puis ça devient une occasion de prendre contact pour nous, visiteurs, avec l'ébullition de ce milieu-là. Donc, comme vous disiez, Marie-Gilbert, on ne soupçonne pas toujours l'importance de la vitalité de ce milieu-là, alors qu'au contraire, c'est extrêmement actif. Là, si vous êtes obligé de les répartir sur 2 jours, qu'il y a beaucoup de demandes, qu'en plus on fait une sélection déjà... On s'entend que ça devient aussi, au bout de compte, un besoin, autant du milieu, autant du public. Oui, puis même pour les plus jeunes, voir des artistes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui sont au Salon Nouveau Genre, c'est aussi un stimuli là, pour eux. C'est aussi de dire, ben moi, l'année prochaine, je vais essayer de participer, je vais essayer d'avoir une production, puis de m'inscrire au salon, puis de participer une première fois. Donc, ça stimule le milieu des créateurs aussi à Québec. Là. Puis en évoluant en parallèle des circuits, des gros circuits, des circuits financiers, parce que je pense qu'en termes de financement, c'est pas non plus... Il n'y a pas de financement, le Salon Nouveau Genre. C'est ça. Donc c'est vraiment autonome. Et j'imagine ça rajoute au défi de la chose aussi. Oui, surtout quand il y a question de trouver un local. Oui, ou ne serait-ce que pour gérer plus d'une centaine d'exposants, plus que 4-5 000 personnes. Ça reste un bon travail pour le comité organisateur. Oui, c'est beaucoup de travail. Olivier Bérard-Vidal fait très bien son travail. Et on invite les gens, évidemment, on en a détaillé, on a donné quelques exemples tout à l'heure, mais la liste complète et également les journées où ils sont présents, donc est disponible sur sur nouveaugenre.com. Je rappelle donc que c'est samedi et dimanche le 10 mai de 10h à 18h au sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. Marie-Gilbert, on vous souhaite un bon salon Nouveau Genre. Oui, merci beaucoup. Et nous, on prend une courte pause toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique jazz avec Wayne Shorter Quartet, que l'on qualifie comme étant le plus habile et aventureux groupe de jazz de la planète. Le légendaire saxophoniste sera accompagné par Danilo Perez, Brian Blade et John Patitucci. Le 6 juin, vivez la musique à son meilleur avec le Wayne Shorter Quartet. Détails au palaismontcalm.ca. Salut, c'est Tania. Cette semaine, en direct du Sacrilège, je reçois Brigitte Saint-Aubin, Fred Péloquin, Héra Ménard, Randy Nougin. On parle avec le théâtre de la dernière pluie. On reçoit Jeff Bailey pour la Duchesse d'Aiguillon et on parle de bière étudiante. C'est un rendez-vous ce mercredi 17h30 en direct du bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Le 31e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 14 au 17 mai 2015. Au programme, Jean de Rome, Sons and Jerusalem in My Heart, The Roof, Layback, Marc Ribot, Ceramic Dog, The Nels Klein Singers Unlimited, Magma et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. Du 14 au 17 mai 2015, venez vivre l'expérience du 31e FIMAV. Au Bal du Lézard, on célèbre la venue du printemps de belle façon. Le 2 mai, le trio Versant Musette. Le 9 mai, Smoking Badgers. New York Slaves, Alain Patient. Le 24 mai, Romy Mays. Le 31 mai, Matthew Hornell. Et le 6 juin, Jaune. Profitez des beaux jours à venir pour relaxer sur notre terrasse. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Informez-vous sur lebaldulezard.com. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul, et pour en savoir plus, écoutantique.com. Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay, Gaëtan Gossin et John Blouin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, l'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Et vous êtes toujours à l'écoute du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 en remplacement de Julie Gagné. Cela dit, Julie sera de passage au bout du fil tout à l'heure pour nous partager une visite d'exposition qu'elle a réalisée au fil de la semaine dernière. Et pour le moment, on partage une autre expérience de visite du côté d'Engram, cette fois pour une exposition de Marlène Renaud-Bé qui s'appelle Rock. Et c'est Fanny et non Lévy qui s'y est rendue. Bonjour. Salut Raymond. Alors, une bonne impression de cette exposition-là? Écoute, cette exposition, c'est un coup de cœur. C'est une artiste, Marlène Renaud-Bé, c'est une artiste montréalaise, interdisciplinaire. Tu vas comprendre pourquoi elle est... On a un dispositif installatif assez minimaliste. On a une grande salle, bon, pour ceux qui connaissent l'espace d'Engram, une grande salle blanche avec par-ci, par-là, des éléments qui traversent la salle et l'espace. On a deux fils qui se croisent sur lesquels sont suspendues des impressions. Alors, l'exposition se constitue de rock, donc on parle de ROC, hein, le rock, la roche, de rock que Marlène a elle-même taillé en forme de disque. Et évidemment qu'elle place sur des gramophones, et tu as la possibilité avec une pédale d'activer le gramophone pour écouter le son de la roche de l'aiguille sur la roche. Donc, elle joue énormément dans toute cette exposition-là. Elle est toujours en train de jouer avec les oppositions. On est dans un univers connu et inconnu. Elle travaille entre la nature et la culture. On est à la lisière de plein de disciplines aussi. On est entre la sculpture, je l'ai dit, c'est elle-même qui taille ces roches, qu'elle assemble aussi. On a un assemblage de roches les unes sur les autres, mais encore une fois en forme de disque. Hein. Donc c'est à la fois un objet reconnaissable, qui est familier. Mais on joue avec les repères dans la mesure où ça reste au départ une roche qui a été transformée. Mais on est hors repère quand même, parce qu'on est... C'est un disque et en même temps, c'est un élément naturel qui est complètement dévié, détourné. Elle joue avec les différents matériaux aussi, avec le dur, le souple, le papier qu'elle a choisi pour imprimer, pour, je te disais tout à l'heure, impressionner son papier. C'est du papier très, très fin, très délicat, qui vole, qui est suspendu dans l'air. Donc, on a le poids de la roche d'un côté, on a le papier, la légèreté en haut, on joue un peu avec ça. Exactement. Et ces impressions donnent l'impression d'avoir cartographié cette roche qui, on le sait, chaque roche a sa personnalité, chaque roche a ses aspérités, ses volumes, etc. Et chaque roche, et ça c'est fascinant, on le découvre, chaque roche a sa sonorité, parce que la roche taillée en forme de disque placée sur le gramophone, quand tu l'actives, et il a sa sonorité propre. Donc tu en as trois des gramophones qui ont tous les trois une sonorité différente. Alors c'est un bruit complètement sourd, on n'est pas dans une mélodie. Mais quand même, de réussir, j'imagine ça nécessite une certaine exploration, expérimentation de son côté pour réussir à créer des trames qui réussissent justement à créer un son, à créer quelque chose, à tirer quelque chose de cette roche sourde-là. Il y a quand même une recherche importante. C'est une exposition que Marlène Renaubé a élaborée lors d'une résidence au Vermont Studio Center en 2013. Donc ça c'est issu d'une résidence. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle ça c'est l'objet même qui est en lui-même un artefact. Elle offre aussi la possibilité d'écouter. Donc là c'est carrément une compilation de roches enregistrées qu'elle a mis ça c'est une nouvelle technologie. Là c'est un enregistrement numérique, mais que tu peux écouter comme ça pendant des heures et ça passe. C'est un bruit, c'est infernal. Et en même temps, on s'attend. C'est étonnant parce que quand tu vois le gramophone, tu t'attends à une mélodie. Ça te rappelle tout de suite musique. Il y a l'objet lui-même qui te rappelle la mélodie que dégage cet objet-là. Eh ben non, elle nous amène complètement ailleurs. Moi, ça m'a fait complètement voyager cette écoute-là. Bizarrement, c'est un bruit de roche, hein. Donc c'est très grinçant. C'est parce qu'on connaît pas le bruit de la roche au départ, mais c'est l'idée qu'on se fait du bruit d'une roche qu'elle a réussi à aller capter à travers l'idée qu'on se fait d'un gramophone, mais justement de manière surprenant dans le fond de joindre les deux au bout du compte aussi. Oui. C'est comme toi, comme tu disais au départ. Oui. En tout cas, elle a réussi son pari. C'est très senti, c'est très délicat. C'est comme je disais au début. C'est très très très minimaliste. C'est participatif aussi parce que le gramophone ne fonctionne pas quand tu rentres dans l'espace. Donc c'est toi qui active cette roche là et progressivement tu la sens tourner. Elle prend son élan, puis là si tu mets le casque, si tu joues le jeu de mettre le casque sur les oreilles, là tu as ce son étourdissant dans les oreilles. T'as l'impression d'être dans un camion sur une route au fin fond du Pérou. Enfin, j'exagère, mais moi ça m'a fait voyager à ce point là. Et Fanny et non Lévy, chaque roche qu'elle a sculptée justement en disque, qu'elle a transformée en disque, si on peut dire, est-ce qu'ils ont chacun un peu leur sonorité? Est-ce que ça se ressemble ou elle a réussi quand même aussi à aller chercher des couches différentes au niveau sonore? Il y a vraiment une sonorité. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que l'aiguille qui tourne sur la roche creuse un sillon. Donc il y a quelque chose, là encore, de la trace de l'homme sur la nature. Je l'ai vu aussi comme une critique sociale de la consommation. C'est un détournement d'objets connus qu'on est habitué à consommer. Et là, elle vient finalement se réapproprier la nature et la détourner de façon très esthétique d'ailleurs, parce que c'est quand même un matériau brut. mais qu'elle sculpte tout en délicatesse. Et qui continue de se sculpter, dans le fond, au fur et à mesure des interventions qu'on a. Exactement. Donc, je disais participatif. Oui. Nous aussi, on participe à ces sculptures-là. Donc, c'est une expo à aller voir. Oui, puis j'imagine, en fait, à travers justement les différentes sonorités, il y a le côté installatif. Donc, nécessairement, en fonction de la roche qu'on écoute, ou si on écoute la compilation, bon, on a une ambiance qui est différente, on a une texture qui est différente à la proposition qui est faite dans l'espace d'Engram, à la façon dont elle a choisi d'occuper cet espace-là. Alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, Engram propose des œuvres imprimées, évidemment, on a ces papiers suspendus avec les impressions des roches, mais on est entre art sonore, sculpture, installation immersive, participative. On est vraiment, elle joue comme ça sur les frontières et de l'exposition et de son mode d'exposition. Et avec le spectateur aussi, elle joue avec nous. Ou de plus en plus, j'ai l'impression que c'est sur ces frontières-là qu'on fait évoluer les pratiques, d'une certaine façon. Ah ben ça, c'est sûr. Là, on ouvre une brèche, c'est le cas de le dire. Il y a aussi, au fond de l'espace, vous le verrez, je ne peux pas tout vous dire non plus, mais il y a un décompte, c'est de la microseconde, et ça, c'est la formation de la croûte terrestre. Donc ça se remet à zéro chaque jour. Donc c'est 4,54 milliards d'années qui tournent devant vos yeux du début de la journée à la fin de la journée. Une fois que c'est fini, ça se remet à zéro. Donc là encore, la circularité de la vie, la question du temps, c'est très... On peut pas tout dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont senties, le rapport à la nature, le rapport au temps, l'empreinte de l'homme, l'empreinte du temps aussi sur les éléments. Il y a beaucoup de thématiques comme ça récurrentes et son rapport à l'espace aussi. Et à travers la liberté justement qui est laissée au public d'un côté de participer, de l'autre côté de faire les jonctions, j'imagine aussi entre ces différents éléments-là. Et d'en ressortir avec peut-être sa composition, sa mise en opposition des éléments propres, en fait, au bout du compte. Oui, complètement. En fait, on a le choix d'être complètement, finalement, passif, avoir juste un regard contemplatif sur ces œuvres imprimées, très légères, qui volent sur les installations elles-mêmes. Les gramophones, vous le verrez, ils sont munis d'un gros cône en papier. Là encore, contraste entre le papier et le rock. Donc c'est très contemplatif et en même temps ça rentre dans le corps. Il y a quelque chose là qui nous parle en lien avec nos origines qui sont la terre finalement, puis qui nous relie tous. Donc j'ai été très, très touchée par cette exposition-là. Alors, l'exposition à voir, mais à se prévoir un moment après l'exposition pour l'absorber, la réfléchir, peut-être oui. Un peu justement. Bon, c'est pas une expo qu'on peut juste consommer comme ça puis ressortir indemne. Non, voilà. Il y a un propos intéressant. Donc c'est Marlène Renaubé, c'est jusqu'au 7 juin, c'est à Engram et ça s'appelle Rock. Voilà, Fanny Hénon-Lévy, merci beaucoup. Salut Raymond. Et nous, on repart en chronique audio, en pause audio, avec toujours la formation Gur Donark, avec la pièce Small Pond. Thank you. Et voilà, je rappelle donc qu'on est toujours à l'écoute de ces suggestions audio qui nous sont proposées par Simon Roy cette semaine. Donc, Gurdonak, un avocat qui, en parallèle, s'adonne à l'exploration audio. Et maintenant, au bout du fil, ben, l'animatrice régulière de l'émission, qui, on le disait, ben, peut pas être avec nous physiquement, mais est avec nous à tout le moins par la voix du téléphone. Julie Gagné, bonjour. Bonjour Raymond, j'en profite pour te remercier. Ça me fait plaisir. Et Julie, en fait, la semaine dernière, tu étais faire un tour du côté de la Galerie des arts visuels pour aller voir l'exposition de Nicole Jolicoeur, Toucher sur image. Je dirais même que c'est pas la semaine dernière, c'est cet après-midi, donc c'est tout frais à ma mémoire. En fait, c'est ça, je suis allée faire un tour à la galerie cet après-midi, comme je le disais. Donc, Nicole Jolicoeur, c'est une artiste montréalaise qui pratique depuis les années 80 l'installation, la photo, le texte, et qui a une pratique textuelle. Puis plus récemment aussi, elle s'intéresse beaucoup à la vidéo puis au son. Donc, elle s'intéresse principalement aux différents discours, contextes de mise en représentation du sujet féminin autour d'enjeux qui sont relatifs au positionnement des femmes dans la représentation. Elle a un intérêt pour l'image trouvée. On la connaît beaucoup aussi pour tout son travail sur le psychiatre Charcot et ses hystériques à l'hôpital de la Salpêtrière à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si vraiment tu avais déjà entendu parler de ça. Oui, en fait, il y a quelques expositions artistiques qu'on avait eu l'occasion de voir à Québec qui intégraient justement cette imagerie-là qui est très parlante, très particulière. Ben oui, effectivement, chez les femmes, il y a Anouk Desloges qui avait fait une série sur le sujet. Mais dans le cas de Nicole Jolicoeur, ce qui l'intéressait à la base de ça, je crois, c'était bon toute la question de la théâtralité du document photographique d'archives. Elle s'intéressait aussi au fait que les scientifiques projettent souvent une part de fiction dans l'objet qui les intéresse. Dans ce cas-ci, c'est les hystériques. Je discutais avec Lisanne Nadeau de la Galerie des hommes qui me disait que Charcot, des fois, demandait aux femmes d'adopter une posture hystérique et tout ça. Nicole Jolicoeur aussi, bon, ça s'intéresse aussi à la mise en récit par relation de l'image avec le texte. Ce sont des aspects performatifs aussi à son travail. Puis elle fait référence à plusieurs domaines de la connaissance et de la perception humaine. Bon, je vous parlais tout à l'heure là, de la psychiatrie. Également, elle a traité l'exploration des régions polaires, l'anthropologie, la déambulation dans la vie, l'iconographie religieuse catholique et la musique. Dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est allée dans une brocante où elle a trouvé des photographies promotionnelles d'un trio qui s'appelle le Hilger Trio, un jeune garçon à la maison, là. Donc, le Hilger Trio, qui est un trio de trois sœurs qui étaient d'origine autrichienne. Donc, c'était des Américaines. Les photos ont été datées entre 1920 et 1934. Puis, elle a mis ces photos-là en scène dans l'exposition, dans un mouvement circulaire, un mouvement perpétuel qui est soutenu par un fragment musical qui est reconfiguré et qui est persistant. Donc, cette exposition-là, elle avait d'abord présenté ce projet-là sous une autre forme au Rendez-vous du cinéma québécois au Festival international du film sur l'art à Montréal. Mais à la Galerie des arts visuels, elle a vraiment décidé de faire un projet installatif qui permet d'explorer la mise en espace de l'image en mouvement et les différentes occurrences archives photographiques. Et à travers ça, il y a de la vidéo aussi à travers ça? Comment? Il y a de la vidéo aussi à travers ça? Oui, c'est de la vidéo, en fait. Donc, okay. On arrive dans la Galerie des arts visuels, puis à gauche, sur le mur du fond à gauche, deux fois des images de photographies de ces musiciennes-là. Il y a en train de jouer, en train de poser, comme je disais, ce sont des photographies promotionnelles. Donc, c'est des accumulations en transparence de photographies qui tournent, qui donnent l'impression d'un mécanisme. Puis ce qui est fascinant, c'est que on voit vraiment le reflet de ces images-là au sol. Le sol de la Galerie des arts visuels, le plancher, il est blanc, illustré. Donc, t'imagines que ça a comme effet de décupler ou un effet de kaléidoscope, en fait, sur les images. Donc, ça décompose les formes, ça donne une dimension qui est presque abstraite. Et ce mouvement-là, circulaire, mais c'est ça qui évoque le temps. La vitesse du temps aussi, parce que les images en transparence, elles tournent pas toutes sur la même image, elles tournent pas toutes en même temps. C'est vraiment une rotation. Puis il y a quelque chose d'assez lancinant. Je vais parler tout à l'heure de la musique, là, mais avec le violoncelle, c'est vraiment très beau. Puis ça tourne. Là, il y a une pause, l'image est noire, ça recommence à tourner. Ça donne l'impression d'une respiration, d'une ponctuation. Puis ça recommence comme ça. On voit des images qui nous semblent des images d'archives, mais on tombe pas ici dans le documentaire. Au contraire, on sent que Nicole Jolicoeur s'est intéressée à ces femmes-là et qu'elle a voulu comme chercher à les comprendre, qu'elle nous témoigne de son intérêt ou de cet amour-là. Et visuellement, ça fonctionne bien, c'est beau, c'est des photos anciennes, donc des couleurs sépia, avec des belles lignes, des courbes, des effets de transparence dont je parlais tout à l'heure. Puis finalement, des femmes, elles deviennent des motifs, des récurrences. Il y en a une qu'on voit beaucoup, c'est une femme qui joue du violoncelle, elle revient. On dirait que cette récurrence-là témoigne d'une quête de sens de l'image, comme pour lui redonner son importance, si tu veux. Donc, c'est assez beau, en fait, puis c'est très hypnotisant, parce qu'un mouvement circulaire n'arrête pas, ou comme je peux te dire tout à l'heure, il y a des moments où c'est noir, mais sinon, ça revient constamment. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a vraiment une trame sonore qui est très importante. Contrairement à d'autres projets antérieurs, c'est vraiment le son qui a amené les images. Donc, elle a vraiment travaillé la trame sonore, puis ensuite a travaillé les images. Donc, ce qu'on entend, c'est un violoncelle qui est retransformé et qui a une remasterisation complète. Je vous disais tout à l'heure, le fragment d'une pièce musicale. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement les sœurs qui jouent, mais ça évoque à tout le moins le travail des sœurs. La pièce est modifiée. Encore une fois, pour donner cette impression de boucle, il n'y a pas de début, de milieu, de fin. On ne sent pas nécessairement une progression dans le discours. C'est toujours cette boucle qui revient, qui y contribue, en fait, à l'aspect hypnotisant de la chose. Puis, comme elle a vraiment beaucoup travaillé les couches, ben, il y a comme des couches dédoublées. On pourrait presque parler de couches en transparence les unes par-dessus les autres qui évoquent les images qu'on a sur la vidéo. Et donc, il y a la vidéo, il y a la musique, il y a les aspects visuels. Et à travers ça, il y a un peu aussi un petit côté présence de papier, présence de documents aussi physiques, là. Oui, à l'autre bout complètement de la salle, donc à droite, une table, parce que la galerie est quand même plongée dans une certaine pénombre, donc une table éclairée avec vraiment beaucoup de choses dans des vases, je dirais des vases ou bon, des contenants en verre qui circulaires, soit en rond, soit en cylindre. Il y a des textes de revues de presse, des photos, toutes sortes de papiers, des lettres également, parce que Nicole Jolicoeur est allée fouiller sur l'histoire de cette famille-là, elle a retrouvé des lettres du début du 20e siècle là, d'un prince qui s'adressait à quelqu'un d'autre et tout. Donc, il y a tout ça, toutes ces images-là qu'on voit dans la vidéo, c'est surtout les photos, là, mais donc toutes ces archives-là sont présentées, mises en scène dans ces contenants-là. Puis c'est vraiment intéressant aussi parce que on a l'impression qu'on peut lire, mais on peut pas tout lire non plus. Donc, ça garde du mystère. Tantôt, je parlais qu'on n'est pas dans le documentaire, mais c'est le cas ici aussi. Puis, dans le fond, on sent aussi que l'artiste se questionne sur le papier. Sur le papier, à l'époque actuelle, c'est quelque chose de fragile, quelque chose qui peut être amené à être dépassé et tout ça. Donc, on voit vraiment comme cet objet, finalement, qui devient image d'archives, mais qui ne documente pas. Qui nous servent à nous donner finalement une impression. Donc, vraiment un jeu à travers la mémoire, un jeu à travers notre relation avec la mémoire, avec les objets qui conservent la mémoire, puis avec la perception qu'on peut avoir autour de ces objets, autour de ce qu'ils représentent, autour du poids qu'ils portent finalement. Effectivement, puis tu sais, toute une couche, tantôt je parlais de transparence, et pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est frappant dans l'exposition, donc la superposition des images, la superposition des documents, la superposition des couches musicales, le motif aussi du cercle qui revient, donc une fois qu'on a fait le tour, on recommence et on recommence comme ça, puis c'est un peu sans fin, donc je trouve que ça c'est particulièrement beau aussi. Et donc, à travers ça, évidemment, il y a des évocations en parallèle, il y a des engrenages qui se créent, dans le fond, entre les différents éléments, dans le fond, de l'exposition, de l'installation. Ben oui, comme je te disais, la question de la superposition, du cercle, du motif et tout ça, là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une installation qui est cohérente ou qui est quand même assez aisé à comprendre, mais en même temps qu'il y a une multitude de couches de sens et qui demande quand même une rigueur là, dans la réflexion de l'artiste. Et une exposition donc que tu recommandes? Oui, définitivement, ne serait-ce que pour aller se perdre dans ces images de ces photographies donc qui tournent, qui sont reflétées dans le plancher avec la musique, là, que tantôt je disais que c'était très contemplatif, c'est même hypnotisant, là, peut-être si j'avais là, moi-même les yeux qui tournaient là, en sortant tellement j'étais entrée là, dans l'œuvre. Alors, on a donc jusqu'au 24 mai prochain pour aller y voir. Donc, c'est Nicole Jolicoeur, touchée sur image vibrato à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, donc dans l'édifice de La Fabrique. Et ben voilà, Julie Gagné, tu seras de retour évidemment en onde la semaine prochaine. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu nous prépares? Je garde la surprise. Je pense que je me suis gardé la surprise aussi, donc je ne me lancerai pas trop. Parfait. Ben, à très bientôt. Ben oui, merci encore. Et nous, ben peut-être qu'on va aller une dernière pause audio, un petit 30-40 secondes là, avant la conclusion de l'émission pour simplement profiter une dernière fois de cette ambiance que nous proposait Simon Roy cette semaine. Voilà, dernier extrait très très bref donc de Gurdonark, en vous rappelant que si vous voulez réécouter des explorations qu'on vous a proposées au fil des semaines, eh bien c'est possible de le faire sur l'aérospatiale.wordpress.com. C'est possible également de nous suivre sur Facebook, facebook.com/l'aérospatiale. C'était Raymond Poirier au micro cette semaine en remplacement de Julie Gagné. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine sur les ondes du 89.1, et dans quelques instants, eh bien c'est Gilles Chaumel qui vous amène dans son univers tissé de folk d'Amérique.